Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Avant de commencer cette interview, j'en profite pour un petit moment autopromo parce que je continue à voyager en 2030 glorieuse, à prendre énormément de plaisir à découvrir et à révéler toutes ces utopies réalistes, à imaginer à quoi ressemblerait notre pays quand on arrivera à les faire changer d'échelle. Et ce travail, je l'ai compilé dans un livre qui sort le 19 janvier chez Actes Sud, au domaine du possible. Pour moi, c'est une sacrée consécration. Je crois que je ne m'en rends pas encore vraiment compte. Mais vous trouverez dans toutes vos librairies ce livre 2030 glorieuses, utopie vivante, qui donne à voir comme ça un aperçu de la France des 2030 glorieuses avec un gouvernement largement remanié, des nouveaux ministères qui se permettraient de enfin se remettre au service du vivant dans sa globalité. C'est un livre sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à travailler et qui pour l'instant n'a eu que des bons retours. J'espère que vous arriverez à vous en saisir comme une nouvelle ressource pour vous permettre de donner encore plus d'épaisseur à ces utopies réalistes, à ces 2030 glorieuses, mais aussi comme un prétexte pour offrir peut-être ce cadeau à d'autres, ouvrir des nouvelles conversations avec votre entourage, avec vos collègues qui ne sont pas encore trop convaincus par le pouvoir des utopies. Mais en tout cas, voilà, il y est et je suis très très fier de vous l'annoncer. Allez, je lance l'interview, c'est parti. Bonjour Kevin Goujon. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Toi, Kevin, tu es le cofondateur de Ngo Shoes, une marque de chaussures nantaise qui préserve le savoir-faire traditionnel d'artisanes vietnamiennes issues de minorités ethniques. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et d'ailleurs, vous l'entendez dans la qualité du son qui sera peut-être un tout petit peu à améliorer, à retravailler. En tout cas, je suis sûr qu'elle ne gênera pas notre conversation. Et nous discuterons de mode, de commerce équitable et plus généralement de la place de nos besoins et de nos envies en 2030 glorieuse. Je lance, Kevin, avec toi cette interview comme je le fais traditionnellement, en te posant la question qu'on redoute en général à toutes ces soirées, tu sais, où on rencontre quelqu'un pour la première fois et qui nous dit à un moment, tu sais, cette question qui revient encore et encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu réponds quoi, toi, à cette question, Kevin? Et ben moi, je réponds que je suis le cofondateur de Ngo Shoes, donc une marque de basket et de sac à dos équitable, solidaire et éco-conçu. Et à cette question, je te dirais même que je réponds avec beaucoup plus de fierté qu'avant, puisqu'avant, j'étais comptable dans un cabinet. Et donc, quand on me posait cette question en soirée, c'était un peu la question qui me saoulait parce que j'étais pas forcément fier de dire ce que je faisais et j'avais pas grand-chose à dire. Et on n'avait d'ailleurs pas beaucoup de questions à me poser derrière, alors que là, aujourd'hui, ça emmène des questions et des débats, donc j'en suis d'autant plus fier et beaucoup plus en phase avec moi-même à ce niveau-là. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que maintenant, tu attends même qu'on te pose cette question. Oui, alors oui, j'attends, parce que l'inconvénient, par contre, de ça, c'est qu'on va beaucoup plus parler de mon boulot en soirée, et il y a des moments où t'as envie de couper, t'as pas forcément envie de parler de boulot, et quand c'est ta boîte, la frontière elle est mince. Donc si on me pose la question, je réponds, mais c'est vrai que je vais pas forcément amener le sujet sur Ngo en soirée quand j'ai pas forcément envie de parler de boulot. Bon ben malheureusement on va parler de boulot aujourd'hui. Hein. Ouais, mais là c'est pas grave, là, on est dans le cadre du boulot. Et je vais continuer à creuser un peu cette question, là, cette première perche que je te tends, parce que ça me satisfait pas tout à fait la réponse qu'on me fait en général et comment le dire, tu vois, que la société nous fait faire ou que le monde de l'entreprise nous fait faire parce qu'on nous met dans ces boîtes de, en l'occurrence, toi tu l'as dit, cofondateur. Souvent on me dit ça, je suis cofondateur, cofondatrice, etc., etc. Je comprends l'idée de mettre en avant cette énergie qu'on a mis à créer une initiative et à la fois j'aimerais qu'on ait un recul un peu plus sociétal, sociologique presque même sur ta démarche. Et donc comment tu te requalifierais? Est-ce que tu dirais que tu es promoteur d'artisanat, je sais pas, perdu, est-ce que tu dirais que tu es défendeur de commerce équitable ou de consommation consciente? Enfin, est-ce que tu aurais une autre manière de me présenter ton métier? Oui, je dirais que du coup on est défendeur d'une mode plus éthique et propulseur de changements sociétaux à travers finalement ce qu'on fait et ce que font les équipes à la communication dans les newsletters, etc. On va essayer de sensibiliser les gens à la mode éthique, montrer ce qui se cache derrière tout ça, d'essayer de ne pas pousser à la surconsommation, à la surproduction. Donc finalement, on est propulseur d'une mode plus éthique. Ouais, ça c'est un fil rouge que je retrouve souvent dans les marques comme N'Go Shoes qui justement essaient d'avoir une démarche plus engagée. Le travail pédagogique qui est souvent presque aussi important, voire plus important pour communiquer sur les travers de la fast fashion et de la mode en général avec des considérations écologiques, sociales qui sont terribles hein, et ces dernières années notamment là assez récemment on a vu jusqu'à quel point ça pouvait aller avec le drame des Ouïghours en Chine qui est un esclavagisme moderne et dont bénéficient énormément de très très grandes marques chez lesquelles on a déjà toutes et tous à un moment fait nos emplettes et donc se rendre compte de ça, le conscientiser, comprendre ce qu'il y a derrière, lever le voile, c'est vraiment une de vos démarches phares. Et en plus de ça, derrière, c'est raconter les belles histoires, mettre en avant les techniques qui sont elles plus vertueuses, qui aussi viennent de savoir-faire traditionnels, qui se transmettre presque de génération en génération. Je dis ça avec Panafrica qui fait aussi des chaussures avec des tissus de wax hein, d'Afrique. Je pense au travail de Loom qui raconte comment faire des générations de vêtements les plus solides, les plus durables. Je pense à Opal aussi qui met en avant la pollution plastique des océans puisqu'ils utilisent énormément de matériaux recyclés. Vous héritez de ça? Vous êtes fiers d'être un maillon essentiel de cette chaîne pédagogique qui est en train de faire corps et de s'associer? Ouais, complètement. Y a, comme tu l'as dit, tu en as cité plusieurs, il y a un tas de marques avec chacun ses propres valeurs. Nous, on fait partie de cet écosystème de marques qui essaie de faire bouger les choses, chacun avec son discours, chacun avec ses propres valeurs. Et parfois même, on se met ensemble pour porter un message. Hein. Y a de nombreux collectifs qui se créent pour justement que le message soit encore plus fort, encore plus clair et porté un peu plus haut. Donc ça, nous, on s'inscrit énormément là-dessus. Nous, on s'est basé autour de trois piliers. Le commerce équitable, le projet caritatif avec la construction d'écoles et du coup l'éco-conception qui est mesurée notamment par notre bilan carbone chaque année. Donc c'est ces trois messages principaux qu'on essaye de porter et comme je disais tout à l'heure, que ça s'inscrit dans une vraie démarche de transparence de la marque et de encore une fois, de pas pousser à la surconsommation et la surproduction, parce que le côté un peu schizophrène de chaque marque, c'est que on a besoin de vendre pour exister, pour payer les salaires, et en même temps, nos valeurs font qu'on n'a pas envie de pousser à la vente. Et comment du coup trouver le juste milieu entre tout ça pour rester en phase avec ses valeurs et faire, comme je disais tout à l'heure, être propulseur d'une nouvelle tendance et d'une nouvelle façon de consommer. Oui, parce que de toute manière, là, on parle des chaussures, vous faites des sacs à dos aussi, notamment. On va avoir besoin hein, de ce genre de produits toute notre vie. Et donc, il y aura encore des gens pour les produire et pour les acheter d'ici 10 ans, ça c'est sûr. La question, c'est comment on fait pour faire en sorte que les gens en achètent moins, mais que ces produits durent le plus longtemps possible et qu'ils soient fabriqués dans les meilleures conditions écologiques et sociales, on vient de le dire. Vous, votre porte d'entrée quand même, hein, quand j'ai découvert la marque et quand je suis ensuite aller creuser sur vos réseaux sociaux, notamment sur votre site web. La porte d'entrée, c'est vraiment l'idée du commerce équitable, qui est une notion qui est finalement quand même assez ancienne. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Pourquoi cette porte d'entrée-là? Alors ça remonte à la création de la marque. Donc quand on a créé la marque avec Ronan en 2017, donc l'idée est née en 2016 et notamment de nos voyages. C'est parti de nos voyages, de l'aventure, de l'artisanat qu'on pouvait rencontrer dans les différents pays, notamment en Amérique latine. Et avant de parler de chaussures, avant d'avoir un business model, on savait qu'on voulait travailler autour d'un savoir-faire, autour de l'artisanat, et travailler de manière équitable avec ses artisans. Ça, c'est de là qu'est partie l'envie de créer une marque. Finalement, c'est parti plus de valeur que d'un business model classique sur lequel on crée une entreprise. Donc ça, on a voulu le faire retranscrire dans notre marque et dans nos produits. Et effectivement, au-delà de, je citais tout à l'heure nos trois piliers, on peut retrouver tout un tas de messages sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, en newsletter. Ce qui ressort avant tout sur nos produits, que ce soit les sacs à dos ou les chaussures, c'est cette bande de tissu aux motifs ethniques avec différents motifs, différentes couleurs. Et ça transpire justement l'artisanat, puisque ces bandes de tissu sont entièrement tissées à la main par les artisans avec qui on travaille au Vietnam, donc avec une quarantaine de femmes réunies en trois coopératives. Et c'est ce message-là finalement qu'on vient porter avant tout. On travaille donc en direct avec ces femmes. C'est donc un travail ancestral, une rémunération, comme je disais, juste et équitable, qu'on cherche à préserver. Et nous, encore une fois, sur le produit, c'est ce qui fait l'identité, la signature, l'originalité de la marque et du produit. Et c'est ça qu'on essaye de faire retranscrire au maximum et qui peut-être d'ailleurs nous distingue de d'autres marques que tu as pu citer auparavant, puisqu'on peut avoir du coup certaines marques ne vont pas forcément avoir les valeurs qui sont retranscrites, qui transpirent sur le produit, là où nous, c'est notre cas et on joue vraiment là-dessus que toutes les valeurs de la marque se voient un peu partout. Bah, les valeurs, moi je rajouterais quand même la notion de valeur interculturelle, valeur solidaire, parce que souvent les marques que j'ai citées, elles ont des valeurs qui sont peut-être affichées plus comme écologiques, comme durables. Vous, c'est vrai que c'est tout de suite cette vision d'un pont entre les pays, d'un pont entre les savoir-faire, et ce pont-là, effectivement, il est visible directement sur vos produits, on le voit, il y a cette note, cette bande dont tu as parlé. Est-ce que vous avez ensuite décidé de vous lancer sur ces sujets écologiques parce que vous sentiez que aujourd'hui le commerce équitable c'est plus suffisant et que ça peut plus être une fin en soi, ou est-ce que c'était finalement une question d'évidence de creuser aussi non, ces les sujets-là? Les trois piliers que je disais, ça a vraiment été au début de la marque, le commerce équitable, le projet caritatif avec la construction d'école et l'éco-responsabilité, c'était vraiment au début de la marque. Moi je vois pas le social, le sociétal d'un côté et l'environnemental de l'autre. Je vois les deux ensemble et on veut porter ces deux messages. Au début de la marque, on a voulu travailler avec de l'artisanat, avec des artisans, avec une démarche équitable. On a voulu aussi créer un partenariat avec une asso, et donc ça a été l'ONG Sao Bien pour la construction d'écoles au Vietnam. Mais on a rencontré d'autres assos en 2016 lorsque Ronan était reparti au Vietnam pour construire toutes nos relations avec nos fournisseurs. Mais ça a également été le côté éco-responsable. Nos premiers échantillons, ils ont été, et là en plus on parle de 2016, hein, donc ça c'est à la fois court et long, c'est que c'était il y a que 5 ans, mais il y a 5 ans on parlait beaucoup moins d'éco-responsabilité dans les produits et il y avait beaucoup moins de solutions en matière de sourcing. Donc on a travaillé avec des chaussures en fait à base de chanvre, avec du coton bio, on a même tenté les teintures végétales, donc prendre du curcuma pour faire du jaune, de l'indigo, etc. Sauf que, comme je disais, nous, on vient pas du milieu ni du design, ni de la mode, ni ingénieur textile ou autre. Donc là, on était confronté à un autre problème qui était le côté technique, solidité, etc. Et donc, bien que joli, ces échantillons, c'était, voilà, les teintures végétales, par exemple, c'est quelque chose qui, avec les pluies, etc., pouvait extrêmement déteindre. Donc, on avait un peu mis de côté cet aspect-là. Le temps de prendre de l'expérience, le temps d'apprendre sur le produit, et on a lancé quelques années plus tard notre première gamme conçue en partie à partir de matières recyclées, que ce soit pour les chaussures ou pour les sacs à dos, Mais vraiment, ces trois notions-là, on les avait au début de la marque. Aujourd'hui, c'est vrai que là où en 2016-2017, avec notamment le Rana Plaza qui date de 2013, l'effondrement du Rana Plaza, on parlait beaucoup des conditions de travail dans les pays, on parlait beaucoup de social, de sociétal, moins d'environnemental. La tendance a un peu été inversée aujourd'hui, où on parle beaucoup d'environnement, mais pour moi, c'est un tout, ça suffit pas. On a besoin de soigner l'environnement, on a besoin de produire moins, de consommer mieux, mais on a également aussi besoin de faire attention à comment sont fabriqués nos vêtements, mais pas que, hein, comment travaillent les gens, aussi bien en France que dans le monde, parce qu'on parle des conditions de travail dans le monde, mais il y a aussi des gens qui sont exploités en France. Donc c'est faisons attention à tout ça et ne mettons pas un sujet de côté. Donc nous, c'est un peu l'ambition qu'on s'est donnée, c'est de traiter les deux sujets, et ça a été dès le début de la marque, avec la création en 2016. Oui, c'est pour ça, hein, que je suis très heureux de vous donner la parole et de t'entendre sur ces sujets. Kevin, excuse-moi de te poser ces questions qui peuvent avoir l'air d'être des petits pics, mais en fait, je sais ce qu'il y a derrière et souvent, on voit des marques qui aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant d'avoir cette conversation pour aussi aider les personnes qui nous écoutent à construire leur capacité à juger du discours d'une marque et et de la sincérité de leur démarche. Et souvent, on lance des produits en pensant d'abord aux produits, à sa capacité à être vendue, à générer des bénéfices. Et ensuite, on y associe, pourquoi pas, une question solidaire, une question écologique, en essayant, bon, bah voilà, de retoucher un petit peu par-ci, de peinturlurer un petit peu par-là. Mais finalement, le fond du problème, lui, il n'a pas changé. Ça va être l'idée de massifier, de survendre, de surconsommer avec trois fois le tour de la planète comme peut le faire un jean. Alors que vous, c'est vraiment à l'origine du produit que vous avez décidé de lier ces considérations. Et je trouve que d'avoir ton témoignage, ça participe à l'éducation des consommateurs pour réussir à déceler les initiatives qui se veulent le plus vertueuses possible dès le début. Et donc, que tu parles des trois piliers et que tu reviennes encore sur ce sujet et que tu montres qu'en fait, dès le début, on peut valoriser d'autres croissances, ça me semblait hyper pertinent. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, moi, si pour en revenir à 5 ans auparavant, si j'ai voulu créer ma boîte, c'est pour porter des valeurs. J'aurais clairement pas été intéressé de juste monter une marque de basket ou une marque de sac à dos. Ce qui importait, c'était la création des valeurs. Et finalement, on a eu les valeurs avant d'avoir le produit ou d'avoir le business model, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qu'on porte encore aujourd'hui. Et on veut rester en phase avec ça. Et ça rejoint une autre logique, et tu viens un peu de l'évoquer, c'est le développement, la croissance d'une entreprise. Aujourd'hui, on est en croissance tous les ans, mais on ne court pas après la croissance. À titre d'exemple, on n'a pas fait de levée de fonds avec Ronan. On veut garder le capital tous les deux. C'est aussi pour une logique d'indépendance, de liberté d'entreprendre. Et oui, on grandit, mais du coup, on grandit étape par étape. Et on ne cherche pas aujourd'hui une marque éthique qui chercherait à devenir le nouveau Nike. Pour moi, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on attend d'une jeune marque. Il faut apprendre s'il faut décroître, s'il faut ne pas croître, s'il faut stagner. J'ai envie de dire, si ça, c'est pour préserver la nouvelle consommation qu'on prône, ne pas pousser à la surconsommation ou la surproduction. S'il faut passer par là, pour moi, il n'y a aucun problème. C'est notre devoir aussi de marque, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu ce côté schizophrène, mais c'est notre devoir de jeune marque d'avoir ça en tête et peut-être d'être dans une chose un peu anticonformiste où on n'est pas à la recherche d'une croissance x10 tous les ans. Et d'avoir des modèles comme Nike et Adidas, quoi. Je pense qu'il y a cette logique-là qui rejoint la volonté économique de l'entreprise. Ouais, c'est marrant que tu me parles de ça. On en discutait justement avec Julia Ford, Loom, qui, elle, me disait très clairement que pour elle, avoir un Loom, par exemple, qui ferait la taille d'un Adidas, là, comme tu les citais, c'était juste impossible parce qu'avec la taille vient tous les inconvénients. Et moi, j'essayais justement de comprendre pourquoi. Parce qu'en termes logistiques, on pourrait se dire, bah voilà, y a une efficacité qui peut être aussi énergétique en termes de déplacement, de stockage, etc., etc. Et elle me disait, non, à un moment, moment, il y a la taille qui vient malheureusement rompre un peu ses équilibres, et elle préférait voir tout un tas d'initiatives beaucoup plus territorialisées, beaucoup plus locales, à petite échelle, mais qui justement aussi apporteraient plus de créativité, plus de proximité avec les clients. Et donc tu l'as rejoint dans ce que tu disais. Dernière question pour toi, Kevin, parce que dès le début, hein, vous avez mis en avant ces valeurs. Ma question, c'est là où on est en train aujourd'hui de promouvoir un changement de modèle, on a besoin aussi d'un changement d'indicateur. Et donc, pour mesurer ces valeurs que tu défends, que vous défendez avec N-Go-Shoes, il y a besoin d'arriver à être capable de dire on est en croissance, mais on est en croissance pas qu'économique, on est en croissance de solidarité, on est en croissance de créativité, on est en croissance de récupérabilité, etc., etc. On parle de, par exemple, comptabilité en triple capital. Toi qui es comptable de formation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis au cœur de votre démarche? Et si oui, est-ce que tu peux me parler un peu de ces indicateurs que vous avez pour mesurer votre succès et qui, justement, ne dépend pas que de cette croissance économique? Alors, donc, comme je disais, on s'est créé en 2017. Au début, effectivement, tu fais des choses avec tes valeurs, etc. Et au bout d'un moment, une fois que tu as assez de recul, tu te dis, ce serait bien de mesurer ce qu'on fait, de mesurer notre impact. C'est ce qu'on a commencé à faire en 2020 quand on a été donc labellisé B Corp en 2020, et qui vient un peu structurer les choses et mesurer les choses dans le temps. Également notre bilan carbone, on a fait un premier bilan carbone sur l'année 2019, et maintenant donc tous les ans, là on est en train de faire celui de 2020, donc tous les ans on va faire ce bilan de carbone. Donc aujourd'hui nos états financiers, ça reste des états comptables classiques. Mais je suis complètement pour cette nouvelle vision de la mesure d'une entreprise, où on n'inclut pas seulement la vision financière, mais également la vision RSE de l'entreprise. Et quand je dis RSE, c'est avec une volonté réelle de faire avancer les choses, et pas juste pour faire beau sur un papier. Et donc le bilan carbone, par exemple, c'est une manière, c'est pas la manière, mais c'est une manière de mesurer notre impact, nous en tout cas, sur la partie production, parce que dans une entreprise qui produit, la majorité de l'impact qui provient de là, plus que les déplacements, le transport ou autre, c'est vraiment la partie production, et notamment la production de la matière première. Donc ce bilan carbone, ça va être une de nos mesures d'impact qu'on aura tous les ans. Et là, on... Non mais Kevin, je te titille, hein, excuse-moi, mais je t'interromps, j'ai besoin d'aller plus loin. Je trouve que dans la construction des imaginaires et dans ce qu'on raconte et comment on arrive à rendre ça aussi désirable, on a besoin de montrer à quel point les initiatives comme les vôtres, elles sont créatrices d'autres croissances. L'idée de mesurer le moins de mal que vous faites avec le bilan carbone, par exemple, c'est forcément pertinent. On montre que cette société de la sobriété, elle est possible, et que l'économie peut aussi utiliser beaucoup moins de ressources pour continuer à tourner, continuer à fonctionner, notamment créer des emplois. Mais au-delà de ça, je trouve que vous, en fait, par votre discours, par votre capacité à former les consommateurs, à les accompagner dans la compréhension des enjeux, mais aussi l'idée de mettre en avant ces savoir-faire traditionnels, etc., etc., vous apportez des choses et vous avez un impact positif. Comment on fait pour le mesurer, cet impact positif? Alors ça, c'est toute la complexité. Il y a d'ailleurs du coup pas mal de boîtes qui se sont penchées sur le sujet, notamment une à Nantes où on est basé, qui s'appelle Impact Track, et qui, eux, mesurent du coup, ils ont créé un outil pour mesurer l'impact RSE des entreprises, des fondations, des associations. On avait travaillé avec eux en tant que bêta-testeur sur leur outil. On a d'ailleurs nos résultats, si on tape Impact Track et N-Go-Shoes, on retrouve la page avec les premières études qu'on avait faites. Et donc là, le but était de mesurer notre impact auprès des artisanes dans leur mode de vie, dans le développement des coopératives, etc. Et également l'impact auprès de la construction d'écoles. Donc là, à titre d'exemple, c'est une étude sur un peu long terme. C'était de dire comment on peut mesurer l'impact à travers la construction d'écoles. Ça va être de calculer le taux d'analphabétisme à 10 ans, avec un instant T puis à 10 ans, le nombre d'enfants scolarisés ou non scolarisés. Ce genre de données sur les artisans, ça va être combien considèrent qu'ils sont rémunérés de manière juste, combien arrivent à vivre uniquement de leur tissage sans faire un autre boulot à côté, combien de personnes sont employées dans chaque coopérative. On cible deux acteurs, donc nous c'était les artisans et les écoles ont défini des mesures d'impact, donc celles que je viens citer par exemple, et après on fait une étude auprès de ces différents acteurs par une personne tierce, une personne extérieure à l'entreprise, et on renouvelle ça tous les ans pour pouvoir faire des impacts. Donc ça, dans ce que tu parles sur les mesures d'impact, ça en est, et c'est ce qu'on essaie de faire transcender dans sur LinkedIn, dans nos réseaux sociaux, sur la newsletter, d'essayer de montrer aussi l'impact de l'entreprise et comment évolue l'entreprise avec ses différentes parties prenantes intérieures et extérieures de l'organisation pour voilà, montrer notre impact, montrer notre impact auprès des artisans, montrer nos impacts auprès des écoles. Et donc là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, le côté social et sociétal et pas que environnemental qui, lui, est calculé par le bilan carbone. Ouais, bah super, merci Kevin. Je suis désolé, j'ai encore insisté un peu sur cette question, mais ta réponse est passionnante. Non, tu fais bien, vaut mieux avoir des réponses. Ça donne envie, je pense, aux personnes qui nous écoutent d'aller voir aussi ce dont tu parles parce que, encore une fois, mesurer l'impact positif des entreprises, je pense que c'est un des gros enjeux des 10 années à venir pour montrer qu'il y a d'autres manières de faire de l'économie et c'est pas juste en faisant un tout petit peu moins mais mieux, mais aussi en apportant un côté qu'on appelle de plus en plus régénérateur en fait. On passe bientôt aux 2030 glorieuses, Kevin, mais avant ça, il y a toujours une petite bulle de respiration qui nous est proposée par l'invité et toi aujourd'hui, tu viens avec quelque chose que tu es allé trouver dans ta bibliothèque peut-être parce que dans cette littérature qui nous entoure et qu'on parcourt depuis des années, on a des fenêtres vers les 2030 glorieuses. Qu'est-ce que tu viens nous lire aujourd'hui, Kevin ? Alors c'est un petit peu classique, et notamment par le film qui a été très connu, c'est Into the Wild. Donc j'ai sélectionné un passage là de à peu près 2 minutes qui, je trouve, moi me parle et sur lequel j'aurais des choses à dire et qui rejoint, je pense, le plus des données de, on va dire, de développement personnel de chacun. C'est pour remettre le contexte. C'est le personnage principal qui envoie une lettre à un ami à lui et donc qui s'adresse à son ami Ron. Donc voilà, c'est le passage que je vais lire. Salut Ron, ici Alex. Ça fait maintenant presque 2 semaines que je travaille ici, à Carthage, dans le Dakota du Sud. Je suis arrivé 3 jours après que nous nous sommes quittés à Grand Junction, dans le Colorado. J'espère que tu as pu retourner à Salton City sans trop de problèmes. J'aime beaucoup travailler ici et tout se passe bien. Le temps n'est pas mauvais, beaucoup de journées sont étonnamment douces. Certains fermiers vont même déjà sur leur champ. Il doit commencer à faire plutôt chaud actuellement dans le sud de la Californie. Je me demande s'il y a une chance que tu sois sorti pour aller voir combien de gens se sont rassemblés pour l'arc-en-ciel du 20 mars aux sources chaudes. Ils ont dû bien s'amuser, mais je ne pense pas que tu comprennes vraiment ce genre de personnes. Je ne vais pas rester très longtemps dans le Dakota du Sud. Mon ami Wayne veut que je continue à travailler sur le silo à céréales pendant tout le mois de mai et qu'ensuite je parte moissonner avec lui tout l'été. Mais mon âme est tournée tout entière vers mon odyssée en Alaska et j'espère me mettre en route avant le 15 avril. Cela veut dire que je vais partir bientôt. Il faudrait que tu réexpédies le courrier que j'ai pu recevoir à l'adresse indiquée plus bas. Ron, j'ai vraiment apprécié l'aide que tu m'as apportée et le temps que nous avons passé ensemble. J'espère que tu ne seras pas trop déprimé par notre séparation. Il peut s'écouler beaucoup de temps avant que nous nous revoyions. Mais si je sors en un seul morceau de ce pari en Alaska, tu auras de mes nouvelles. J'aimerais te redonner ce conseil encore une fois. Je pense que tu devrais changer radicalement ton style de vie et te mettre à faire courageusement des choses que tu n'aurais jamais pensé faire ou que tu as trop hésité à essayer. Il y a tant de gens qui ne sont pas heureux et qui, pourtant, ne prendront pas l'initiative de changer leur situation parce qu'ils sont conditionnés à vivre dans la sécurité, le conformisme et le conservatisme. Toute chose qui semble apporter la paix de l'esprit, mais rien n'est plus nuisible à l'esprit aventuré d'un homme qu'un avenir assuré. Le noyau central de l'esprit vivant d'un homme, c'est sa passion pour l'aventure. La joie de vivre vient de nos expériences nouvelles et donc il n'y a pas de plus grande joie qu'un horizon éternellement changeant, qu'un soleil chaque jour nouveau et différent. Si tu veux obtenir plus de ta vie, Ron, il faut perdre ton inclination à la sécurité monotone et adopter un mode de vie désordonné qui, dans un premier temps, te paraîtra insensé. Mais une fois que tu seras habitué à une telle vie, tu verras sa véritable signification et son incroyable beauté. Merci Kevin, pourquoi tu as tenu à nous lire ce passage ? Parce qu'il me parle personnellement, puisque les conseils qu'il peut donner à Ron, c'est un peu les questions que je me suis posées à 25 ans quand avec Ronan on a créé Ergo, où j'avais un peu un avenir tout tracé, cabinet d'expertise comptable, une carrière toute tracée où je voulais devenir associé d'un cabinet et je me suis posé la question de ce que je voulais réellement et j'avais besoin de plus de sens dans ma vie, de rejoindre mes valeurs, de me sentir utile dans cette société et également d'avoir envie de plus d'adrénaline, quelque chose qui soit un moteur et qui fasse que je sente que je vis ma vie pleinement, quitte à prendre des risques. C'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui et du coup ça me parle clairement parce que j'étais parti pour avoir une vie assez monotone en cabinet d'expertise comptable et je m'en suis rendu compte à 25 ans, j'ai fait le pari de tout arrêter pour créer une go avec Ronan et aujourd'hui je me suis retrouvé, je suis carrément en phase avec ce que je suis, ce que je veux, avec mes valeurs et du coup je suis mille fois plus heureux que je l'étais à 25 ans et il a fallu passer par un stade d'insécurité, à tout niveau, hein, d'instabilité. Et donc ça me parle et c'est quelque chose du coup que moi que je vois dans mon entourage, hein. Beaucoup de gens se plaignent de leur boulot, de leur mode de vie et pour autant rien ne se passe. Donc l'idée derrière c'est pas de dire n'ayez pas des vies monotones, ça chacun a sa propre vie et son propre mode de vie, c'est plus l'idée de dire qu'est-ce que tu as envie de toi pour ta vie, dans ta vie et comment tu veux l'aligner. Et certains savent, ont conscience qu'ils ne sont pas heureux mais vont pas forcément chercher à aller plus loin, à changer, à bousculer les choses. Donc c'est plus ça, c'est si tu en as conscience, sois acteur et fais quelque chose pour que ça bouge. Merci Kevin pour ce témoignage, ça me parle beaucoup. J'avais été très touché par le film Into the Wild dont tu nous parles et je recommande d'ailleurs à toutes les personnes qui nous écoutent, si elles ne l'ont pas déjà fait, d'aller écouter aussi la bande-son du film qui est signé Eddie Vedder et qui est le chanteur de Pearl Jam qui a fait ça au ukulélé, c'est absolument magnifique. Ce message étant passé, on est aujourd'hui là, ça y est, maintenant on y est tout de suite là dans notre conversation en 2030 glorieuse, dans cette période où les gens osent, dans cette période où les gens mettre leur quête de sens avant leur quête de confort ou de sécurité en avant et en 2030 glorieuse on a réussi. Alors on a réussi à avoir plus de solidarité, à avoir une société plus durable, plus solidaire. On pourra en parler et donner des détails. Forcément tout ce qu'on va dire, hein, personne ne pourra nous en tenir rigueur, c'est un jeu de l'esprit, c'est une libération de nos imaginaires et on va faire ça pendant une vingtaine de minutes. Toi, Kevin, pour aider les personnes qui nous écoutent à voir à quoi ressemblent tes 2030 glorieuses, est-ce que tu peux leur raconter ce que tu vois à travers ta fenêtre ? Eh bien, écoute, à travers la fenêtre, je vois des piétons, des vélos que des zones piétonnes et des pistes cyclables. Je vois pas de route, de feu ou de voiture. Tout le monde est en mobilité douce. Je vois également des petites boutiques, des petits commerçants, des épiceries, mais pas de grandes enseignes. Je vois pas de McDonald's, je vois pas de H&M ni de Zara. Je vois que des petites boutiques et des petits commerçants. Je vois également plein de zones vertes, des parcs aménagés avec des gens qui baladent leurs chiens, qui se baladent en famille. Et puis je vois des gens souriants, heureux et qui se parlent les uns les autres alors qu'ils n'ont pas forcément l'air de se connaître de base. Et puis je vois, ça c'est pour la petite vanne, je les vois avec des Ngo Shoes aux pieds. Parce que du coup, les Ngo Shoes continuent à exister et elles se sont largement développées à tous les niveaux en ayant réussi à promouvoir d'autres croissances. Et tu peux me raconter un peu à quoi ressemble aujourd'hui Ngo Shoes, son activité, son impact ? Donc Ngo est toujours ancré sur ces trois valeurs fortes que sont le commerce équitable, l'aspect caritatif et éco-responsable. Ngo travaille maintenant avec une dizaine de coopératives, une centaine d'artisanes au Vietnam qui vivent de leur savoir-faire ancestral qui est le tissage à la main. Une vingtaine d'écoles a déjà été construite. C'est pas loin de 1000 enfants qui ont été scolarisés dans les villages du Nord Vietnam. Toutes les chaussures sont fabriquées à partir de matières recyclées et sont entièrement recyclables, donc aucun déchet sur la fin de vie des chaussures. Et l'impact de chaque Ngo est extrêmement faible, proche d'une neutralité carbone, même si on sait que ça n'existe pas vraiment. Et Ngo est toujours une entreprise à taille humaine avec une petite équipe fun, dynamique et prêt à continuer d'aller plus loin parce que nous sommes qu'en 2030 et le chemin est loin d'être terminé. Il y a encore un beau parcours à faire pour que l'éthique rentre dans les valeurs et les mœurs de chaque personne. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, vous êtes fiers d'afficher que vos chaussures sont made in Vietnam, alors qu'en fait, la majorité des produits, vêtements notamment, sont made in France et ils ne l'affichent même plus. Tu te souviens peut-être, en 2021, il y avait ce grand mouvement du made in France où on affichait avec fierté les garanties d'origine française, le made in France, même si parfois le jeu malheureusement légal et communicatif et de la communication faisait qu'on croyait que c'était fabriqué en France alors que c'était juste réfléchi, designé en France. Mais aujourd'hui, les produits étant logiquement fabriqués en France avec un gros processus de réindustrialisation, on ne le dit même plus. Et donc, certaines marques comme Ngo sont très fières de dire que d'autres produits en quantité restreinte sont fabriqués dans d'autres pays justement parce qu'ils mettent en avant ce côté interculturel, ce côté solidaire. Et ça, c'est quand même un revirement majeur, non ? Oui, parce que encore une fois, on est resté ancré sur le début de la marque et sur la volonté d'avoir cet aspect artisanal et multiculturel dans nos valeurs et dans le produit. Aujourd'hui, donc en 2030, une grande partie de la production est made in France, mais pas 100% parce que réindustrialiser, ça prend du temps et il faut surtout trouver les savoir-faire pour faire fonctionner et utiliser ces machines. Reformer les gens, redonner envie de créer dans cette industrie de la mode qu'on a perdue en France. Donc nous aujourd'hui, Ngo, en 2030, on a une partie de notre production qui est made in France, avec à la fois la partie industrielle et la partie artisanale qui est faite en France, mais on a encore toute une partie qui est faite au Vietnam parce qu'on n'a pas envie de lâcher ces artisans, on n'a pas envie d'abandonner ce savoir-faire, cet artisanat. On veut continuer à le faire perdurer, à le préserver. Et on a toujours cette même relation avec ces artisans depuis 2017. Et effectivement, comme tu disais, de montrer un autre Made in Vietnam, de montrer autre chose du Vietnam que l'image qu'on peut en avoir tant qu'on n'y a pas été, et de faire continuer à ces personnes à vivre de leur savoir-faire dans des rémunérations justes, équitables, et dans des conditions de travail décentes. C'est tout ce qu'on demande pour chaque citoyen dans le monde. Oui, et puis en plus, le voyage étant aujourd'hui beaucoup moins internationalisé qu'il l'était à l'époque, on monte beaucoup moins dans les avions comme avant, c'était presque une évidence pour une infime partie de la population, certes, mais quand même, que en fait, avec votre message, avec les vidéos que vous mettez en avant, les images, le portrait de chaque artisan, de chaque artisane qui participe à fabriquer les Ngo Shoes, vous participez aussi à ce voyage un peu écologique par la pensée. Et tu en parlais aussi, vous participez, et là, ça a pris une ampleur assez folle, hein, à ce travail pédagogique, à ce lobbying, hein, presque, de la mode éthique et engagée, avec d'autres marques, et un mouvement qui a pris une ampleur dont on peut être fier, dont vous pouvez être fier, c'est le mouvement en mode climat. Ouais, complètement. Donc, ce mouvement en mode climat qui a été créé en 2021, il existe toujours aujourd'hui en 2030. Il a pris une telle ampleur que certains grands acteurs de la mode qui existaient en 2021 n'existent plus. Aujourd'hui, on est recentré sur des plus petites marques avec des choses beaucoup plus modérées, où aucune ne cherche à pousser à la surconsommation, à faire des soldes ou des promotions. Aujourd'hui, on n'a plus de produits saisonniers, on n'a que des produits permanents. Chacun est revenu à l'essentiel avec un nombre de vêtements et de chaussures qui répond aux besoins que l'on a, et uniquement aux besoins. Et donc, c'est grâce à ce collectif de marques qu'on a pu faire passer des messages et jusqu'au niveau politique avec des lois qui sont passées pour pénaliser ceux qui... ne paieraient pas l'impact écologique de leur production, l'impact écologique de leur existence et également l'impact social et sociétal de la façon dont ils font fabriquer leurs produits. Donc ça a été le message de mode climat en 2021 et ça l'est toujours en 2030 avec encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un travail qui reste à faire parce que c'est un processus qui est long et qui est encore loin d'être terminé. Et N'Go Shoes, vous avez vraiment contribué à faire en sorte que la circularité dans la mode, ça ne soit pas qu'une simple promesse. Aujourd'hui, on retrouve des N'Go Shoes reconditionnés dans les supermarchés d'occasion. On en retrouve aussi sur vos différentes boutiques parce que vous récupérez des chaussures que vos clients vous envoient, vous les remettez en état et vous pouvez les revendre à un prix moindre. Et puis même, vous avez travaillé sur la réparabilité de vos chaussures avec un kit de réparation, avec pourquoi pas aussi certaines parties de vos chaussures qu'on peut acheter au détail, notamment les semelles pour pouvoir aller les réparer soi-même dans un repair café ou avec un cordonnier qui est aussi en partenariat avec N'Go Shoes. Donc faire vivre le plus longtemps possible ces chaussures, c'est quelque chose dans lequel vous êtes devenu hyper proactif, même exemplaire. Dans la logique du Made in France et de cette préservation des savoir-faire, on a souhaité préserver le savoir-faire des cordonniers, qui est un vieux savoir-faire français, mais pas que. Donc aujourd'hui, on a fait revivre ce métier en travaillant et en faisant vivre un certain nombre de cordonniers en France qui vont notamment travailler pour N'Go, mais pas que, pour réparer nos chaussures, nos sacs à dos, faire durer du coup plus longtemps nos produits, éviter du coup de racheter un produit neuf. Vraiment, on a un problème sur sa chaussure, on a un problème sur son sac à dos. On fait appel à notre roadmap des cordonniers en France. On fait vivre un savoir-faire français, on fait travailler quelqu'un passionné par son travail pour faire durer plus longtemps son produit. Et quand la réparation n'est pas possible, on est capable aujourd'hui de recycler chaque matière de la chaussure, chaque composant de la chaussure, pour en faire tout autre chose. Avec nos semelles, on arrive à faire des sols d'aires de jeu pour enfants dans les parcs dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est 100% les semelles usagées de nos chaussures. Et aujourd'hui, on arrive à faire de la modularité, de la personnalisation, puisqu'on est capable de juste changer la semelle quand c'est la semelle qui est usée, le hié quand c'est le hié qui est usé, les lacets, etc. Donc de venir changer chaque élément de la chaussure, que ce soit pour une question de réparation et donc de durabilité du produit, ou que ce soit pour un côté personnalisation de la chaussure, pour éviter encore une fois de racheter un nouveau produit neuf. Et au-delà des produits que vous proposez, N'Go Shoes fait partie de ces entreprises où il fait bon travailler. Vous êtes passé aux 4 jours par semaine et il y a plein d'autres choses que vous avez faites pour faire en sorte que ces croissances, voilà, elles se mesurent aussi chez les personnes qui travaillent chez N'Go. Tu disais que c'est une équipe à taille humaine, une équipe qui prenait plaisir à travailler ensemble. À quoi ça ressemble de travailler chez N'Go Shoes en 2030? Donc comme tu disais, on est passé passer de 5 jours à 4 jours de travail par semaine pour le meilleur équilibre vie pro-vie perso, pour vivre plus de choses aussi à côté de son boulot et quand on est au boulot, d'être en phase avec soi-même, avec ce qu'on fait, de retrouver du sens dans ce qu'on fait et donc de retrouver bonheur finalement à travailler, à se lever le matin, d'avoir un but dans ce qu'on fait, porter un message, mais également de partager des bons moments avec son équipe, avec ses collègues, et en 2030, on n'est toujours pas en full télétravail parce que justement les liens humains et sociaux prédominent et sont ultra importants. Donc on ne travaille que 4 jours par semaine, mais on fait un jour en télétravail et 3 jours au bureau pour retrouver ce lien entre tout le monde. Et ces liens qui se sont renforcés autour du sens dans ce qu'on fait, aussi bien en interne qu'avec tous les partenaires extérieurs de l'entreprise. Ouais, et puis tu le disais, hein, vous utilisez les produits que vous recyclez, que vous upcyclez pour de temps en temps participer, hein, avec toute l'équipe à la construction de ces aires de jeux pour enfants sur lesquelles vous plantez aussi des arbres, des incroyables comestibles, des arbres fruitiers. Vous avez aussi, hein, de temps en temps ces programmes d'amélioration de la ville, d'amélioration de la vie, et vous le faites ensemble. Ouais, y compris dans nos bureaux où tout le mobilier est fait à partir de blocs de produits recyclés, pas que Lego, mais de blocs de produits recyclés. Également le bâtiment qui est uniquement donc tout ce qui est électricité, éclairage, etc. Tout est fait à partir d'énergie verte, à partir de panneaux photovoltaïques et d'éoliens qui sont faits, qui sont sur le toit de notre bâtiment et qui alimentent l'ensemble de l'immeuble, donc à la fois nos bureaux et ceux de nos colocataires. Donc ça sur l'aspect de notre propre bureau, mais également travailler avec la ville, faire un lien entre les pouvoirs publics et les entreprises pour trouver des solutions écologiques et sociétales au bien vivre ensemble et aux solutions écologiques sur la métropole. Et toi, Kevin, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Eh bien, moi, je suis toujours avec mon ami Ronan chez Ngo Shoes à essayer de propulser ce message d'une mode plus éthique. Je suis toujours avec ma compagne et père de deux enfants, toujours à vivre sur Nantes, ma ville de cœur, et profondément passionné par les deux sports qui m'animent, le handball et le cyclisme. On revient en 2021, Renan. Pour les personnes qui nous écoutent, on a envie de leur donner comme ça une action supplémentaire, de leur tendre une perche pour pouvoir cheminer vers les 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble. Si je me prête à cet exercice, ce que je fais rarement, mais et là, en discutant du bâtiment le plus durable et le plus vertueux possible, tu me donnes envie de citer l'exemple du labo Envie à Paris, qui a été fait dans le 20e arrondissement en utilisant le plus de matériaux reconditionnés, réutilisés possible pour faire en sorte que le bâtiment il ait le moins d'impact à sa construction. On sait que le secteur du bâtiment génère énormément de déchets, a besoin d'énormément de matières premières neuves pour pouvoir continuer à fonctionner. Et là, le Labo Envie, qui est un endroit où on peut venir acheter tout un tas d'appareils électroménagers et électroniques reconditionnés, donne aussi à voir que dans le bâti, on peut faire énormément d'efforts. Et donc, si vous êtes dans le coin, un de ces quatre, n'hésitez pas à y passer. Kevin, qu'est-ce que tu nous recommandes, toi, pour les 2030 glorieuses et pour cheminer vers ces 2030 glorieuses? Ce que je recommande, c'est de revenir à... Et là, je parle pour l'instant que de l'aspect consommateur, c'est de revenir aux besoins, à se questionner sur chacun de nos achats, se dire est-ce que j'en ai besoin pour revenir à des choses plus minimalistes. Et quand on a besoin, là, de se tourner vers des acteurs plus éco-responsables et plus respectueux de l'homme au sens large, avec un grand H. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut tous faire dans notre quotidien. Et de voir comment on peut tous être acteurs de changement. Il n'y a pas besoin d'avoir une multinationale pour faire bouger les choses. Je pense que chaque personne a un impact à son échelle. et qu'on peut tous être à la fois contributeurs de changer finalement la vie de chacun, mais aussi faire qu'on le mieux vivre ensemble, parce que l'aspect social et sociétal, c'est aussi ça, c'est comment on peut mieux vivre les uns avec les autres, parce que c'est quelque chose qui est important dans notre quotidien et qui, à mon avis, changera aussi les mentalités et la façon dont on vit ensemble. On voit bien que ça peut être pesant des fois, tous ces problèmes sociétaux, donc comment on fait pour que on vive mieux ensemble. Donc c'est se questionner nous-mêmes sur ce qu'on veut demain pour nous, pour nos enfants, et d'essayer de faire que chacun agisse à son échelle. Voilà, et puis petit rappel sur le passage dont j'ai lu tout à l'heure de Into the Wild sur qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que je veux comment je veux vivre ma vie, et ne pas avoir peur de faire un peu bouger les choses quand on voit qu'on n'est pas en phase avec ses valeurs et son bonheur. Merci Kevin. Merci à toi. Allez, ça y est, cette interview avec Kevin Goujon de Ngo Shoes vient de se terminer. Très heureux de pouvoir mettre en avant des entreprises qui mettent vraiment, radicalement, intrinsèquement même leurs valeurs à l'origine de la création de leurs produits et de leur initiative économique, plutôt que de trop nombreuses entreprises qui verdissent un tout petit peu leur message ou leur service ou leurs produits pour tenir dans l'air du temps. Là, Kevin, il nous a montré, il nous a dit, il nous a expliqué dans le détail pourquoi c'était important de développer ce genre d'initiative et de porter encore plus haut les valeurs du commerce équitable. Et bonne surprise en plus pour moi qui n'avais pas forcément prévu de m'étendre sur ce sujet. C'est quelque chose qu'il mesure et cette mesure de l'impact, cette mesure des nouvelles croissances que peuvent porter les entreprises, ça me semble vraiment un élément essentiel dans la propagation de ces initiatives, parce que au moment de le raconter, en fait, elles ne racontent pas voilà, à quel point elles arrivent à être sobre énergétiquement et quel point elles font moins et moins et moins et ce message décroissantiste, s'il est nécessaire pour créer le débat et éveiller les consciences, à mon avis il a ses limites dans la propagation, dans la massification à d'autres entreprises partout sur le territoire et quelle que soit leur taille. Et là, le fait de raconter comment on peut avoir une activité positive et en fait même régénératrice de tout un tas de choses, ça me semblait essentiel. Et j'espère que c'est quelque chose dont vous pourrez vous inspirez vous aussi au moment de travailler dans ces entreprises qui ne font pas d'ailleurs forcément que de la mode. Hein. Cet impact positif, il peut vraiment avoir lieu dans tous les secteurs et c'est ça que je trouvais, moi en tout cas, singulièrement passionnant de cet échange qu'on vient d'avoir avec Kevin. On a encore bien travaillé, ça fait pas mal de choses à digérer pendant ces 2 semaines qui viennent. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des 2030 Glorieuses. Allez, salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !